est l'adolescent, donc pas assez conscient. Quoi que l'autre t'es déjà malade, mais en cas son JB Bridge ou pas t'es à la mode. Léo t'es qu'à fumer weed. Trois gars pour rimer, au capet pour au cavinet à l'époque ou patiner la côte. Léo qu'à fumer zèbre. 86, 87, pas ni gun, pas ni bun, pas en bad boy. M'en connaît tout le monde de vue ou de loin. Ni dissonné, passer la bouche en eau pour rentrer à casse. Cinq codomans, ni 12 ans négro et zéro braquage. Ça c'était le bon temps. On j'a passé 10 000 fois la digue. Et on connaît toute qualité chez mes chiens pour faire riser mes bridges. Heureusement, pas t'es ni crack, pas t'es ni shit. Maman, on va t'es qu'à flip. Laissez-vous marcher dans la rue à toutes les. Mais t'es toujours j'attends pas les day. Mes zèbres, c'est un mystère. Mais t'es toujours j'avouer. Mon bas, j'en m'en bouer. Léonie, 12 ans pour vous. Rome, c'est un mirage. Ou pas né à bouer. Fumé à l'âge, là, ça c'est un message. Allez, ayant tout collège de boire, il boit pointe noire. Il voyait blague et les yoka fumé avec les frères le soir. Rentrer tard, tard, tard, cool. On, on, on. À l'époque, c'était rentrer tard, tard, tard. Sinon, blau, blau, blau. Chaque fois, en passant côté, violence rivée derrière moi. C'est l'un qui t'es collège, resté, c'est la braquage commencé. Nike, là, on est là, il belle. Qui pointe y'a 38, ok, tout de suite. Rote un pierre. Songez l'époque, MDT, messager du tag, expédition tag, en pleine journée, résé. C'est là, on fait l'école, c'est pas cela enlevé. C'est là aussi pour première fois, en braqué. Braqué au moins? Ah, pas braqué au moins, hein. M'a dit, yo braqué moi. Franchement, y'a si y'a braqué moi. Pile de là. Nous t'es à 12, et nous c'était tous élevés au revolver. En cas pas de bord, en cas son chef, c'est la pile. Ou bien, ouais, ou en moins, à pas des bad boy. À papa se connaître la rue, ou c'est un bad boy. À papa se connaître un tel, ou c'est un bad boy. Chaque monde était en place, aïe. En j'avoue des gros gourmets pour des bougs. Rentrer en zouk, des bougs à tête louche. Qu'a dit, ouvrez porte là. Si vous pas fait de que nous jouez sur cela. Alors, quand on café, on ouvre porte là. Quand on a des yeux frères, mais toute matos là, toute bêtos là. Franchement, c'est l'un qui t'a dit, c'est Ben Bridge. J'envoie au mec badge pour carnaval. Miss Bécho, on sait le carnage. Richo, c'est bâtiment elle, anti-missier. Prend mauvais coup de chaise, sans gicler, zié pété, moun ga pétaillé. 93, 96, tout amusement qu'a fini en bordel. Bah, bah, un tel, tiré si un tel. Bonjour à tous, spécial hip-hop créole dans Conalambi avec Scud Squad. Au micro, c'est EDS. Vous avez entendu à l'instant un titre de Star J. Le morceau s'appelle « En temps là ça », qui veut dire « En ce temps-là ». Pourquoi on démarre par « En ce temps-là », par ce titre? C'est parce qu'aujourd'hui, la spécial hip-hop créole est consacrée au storytelling. Le thème, c'est « En rapait », c'est « En comptait ». Et donc voilà, c'est différents morceaux qui vous racontent différentes histoires. Et on enchaîne tout de suite avec « Les Nègres ». Le morceau s'appelle « Chéri ». I ka senti souhait, chaque jour si men fait. Et courant ka est là, tout seul ka souffre. Ou pas qu'on tout fait. Sans si bandier, donc crio ma. Ou même au sap, qui ça au café. Qui ça y'a quoi, ou l'hérite derrière. Si men fait mes yeux, pour ou pas ouais clé. Ou las pas les bails, mais l'esprit aye. Mais si aime aye, pouchi il a allé. Qu'on réveille ka sonne, un jour malin. Lève chalet, faut ou changer valet. Pendant ou ka souhait, i ka si c'est salé. Ou ka plaire, pas ça arrive ou allé. Chou, ou qu'on chevalier Wizé à force monter en l'air. Ou qu'on mon chien pisse en l'air. Tout le monde à l'école a connaître des affaires vraies pis faux. Manawa ou pas, qu'est-ce qu'il y en a bien comme il faut. Pourtant tout le monde connaît réputation bête là. En adepte ménage à toi, adepte toi d'être béga. En te dit ou qui pourtant a pas qu'à respecter femme. Mais on est zéclé, et propre zéclé ou véclé ou qu'on zéclé. Ou aller, y parler, ou valer si ouais, y caler ou y aller. Et ou qu'à plaire, gode le bas chien là ça. Coupé de veine ou fait qui ça. Ou fait Chris Brown, non ou qu'à fait Chris Brown. Chien plaire d'ici qu'on est gâte du vent. Fiaté à mon goût, tenu l'amour, et caresse en score. Me love là où t'es ni baïté, car tout fait plus qu'il donne, pas gagne. Le tête lié, puis l'homme qui était toute qualité, non, on y est pas les pas en l'autre. Pour avoir une côte, tu démons. Temps passé, faut nous pas t'es fait assez. Et passer l'amour, vous vivez placé. L'envie déplacée en chef femme la passe. Si t'es ni la pression, qui c'est plaisir ou t'es capant. Plaisir, mettez pression, mettez tension en zone. Et connu, on l'est pour toute bagaille. On l'est pour pardonner ou on l'est pour sipoter. Mulet à pour quitter ou à présent. C'est des gens irrétiens pour plaire et mentir. Lâche pas les pas où t'es sable la jalousité que maintenant. Mes paroles là t'es plus rapide que l'esprit. J'ai dit le flemme, tout pleurer, y'a plus esprit. Ni pas viré ou même pas plus tiré. On lit, on dit tout ça bas ou c'est potes, les ciseaux trivent juste là. Les Nègres, le morceau s'appelle Chérie, l'album s'appelle Medinina. Un album qui date mais qui reste. Et on enchaîne tout de suite avec Medinina Part 1, titre de Scud Squad. L'album s'appelle Chimachien. Huit à 6 ans, avion moule en deux mois, là j'fais moins souffle. Et ça qu'a fait 9 mois, en bâti la caille, moins Henri Vigny, ouais, pas si ni trop bagaille qui m'en tire, moi. En jas avant, paix et ni t'en fais tout ça en bisouin. Sorti d'aéroport, là, en seul chalet qui capre, moi. À d'un moment, en ça si pote, et même en tricot, là, la peau, moi. La matin, paix et content, qu'est fait, c'est en bas, bien à terre. Coumant, ou bis, ni en caille, là, ou comprendre, c'est la fête. C'était 10 ouais, arrivé, mi se l'air à pouaille pour en souhait. En ni trappé, en paix, soulier, pas ni pète, on l'est nous rivé. Bagaille, là, j'a pâti des vieux paroles, j'a qu'à tomber. Y'a une dépression qu'a fait, mais c'est pas pièce gouma qui est pété. En paix et menti, bah en obligé, en fait en soirée, en minimum syndical. Les ou fait 9 mois l'autre côté, ou savlé ou fait yon. Ou paix et fait des bagailles, je jette cette bagaille, je carré. C'est pas pour ça en viré, à dans 10 pays, moi en c'est conseil, yo cap en pied, yo moi même en savant, pas bah, attends. En si m'arrêter dormi, bah décalage ou orgueil, ou pour la blague, et puis encore m'arrête, en parouette, et puis en patate. C'est pas pour ça en viré, à dans 10 pays, moi en c'est conseil, yo cap en pied, yo moi même en savant, pas bah, attends. En si m'arrêter dormi, bah décalage ou orgueil, ou pour la blague et puis encore m'arrête, en power et puis en patate. Lendemain matin, un doux bouton pipi richante. En paré pour la route du sud, cap macré ou lance caritan. Yo toujours dit, moi un sac vide, pas carré doux bout. Les nous rivés au marin, faut que nous trapper en morceau poule. On l'est la route là, pas ni en pile bagaille qui changeait, même madame l'an. Et puis ti ou l'autre lick avant nous sorber des pitchers l'an. Et nous qu'a essayé négocier, mais nous savons combien il douce alors nous qu'a bail leur monnaie. Rivé en les plages, nous l'en lasse tout n'un bougaré. Faut que tout veut anti-pied bois pour poser bouteille DJ. Allez, c'est pas football qui pâtit. En tout noir, beach ball, juste en soleil, la brille la peau, nous évoyer nous en l'eau. Les arrivés pour nous feuilles, assise comme nous en l'auto, à nous, j'en savent ça qui est fait. Des toisets, en bouteillage, nous déjà prends du vent. Dernier album, cise là, à nous mettez en l'air en cassette. Pour coûter à d'un, ni s'en l'emboudin, nous là qu'à crier. Toute poule, j'ai fini digérer, obligé, rester snack et lisez. Même si la maté qui est crié, qu'on a ri, a fini tweet. Car attend nous en caille là, fatigue. Nous qui mettez offre pour plita. 13 l'année grandi, en l'air en mots, sauté, fuck mon pâti. 9 mois pour elle en moitié. Medinina Part 1, Scud Squad, ça raconte retour au pays. Spécial storytelling dans la spéciale hip-hop créole sur Conlambi. On sera là tous les dimanches de 16h à 17h pendant le mois de juin. Et l'émission d'aujourd'hui est consacrée au storytelling. Et on repart en arrière avec un titre de Dr. Jekyll, Léo Toupiti. Yatch, Jekyll once again. Gokadelic Station. Godo in full effect. Yeah, style unique venant des tropiques, précisément de Martinique et devant laquelle tout le monde panique. Faut tout garde en fait. Léo Toupiti, faut tout garde en fait. Check this out. Léo Toupiti, faut tout garde en fait. Léo Toupiti, faut tout garde en fait. Moi qu'à songer. T'es un tout petit bonhomme. Maman, moi t'es cabane, moi cool. Les mains, t'es trop grand homme. Pas mandé moi pouchi parce que tout ça, moi ça. C'est que moi pas t'es ça pouchi. La vie qu'on s'abat, tout ça qui pitié. Actuellement que moi grandi, que maman j'ai bon grandi. Rime, qu'a dit bon Dieu merci. Ou fait tout ça fini. Parce que les moi fait en songer pouchi. Yo t'es cabane, moi cool. Ma qu'a dit comme moi qu'on ça. Ça pâté pour le coup. Faut pas parler créole parce que créole c'est pour les bois. Faut qu'on parle français. Oh oui, c'est la langue des rois. Faut pas aller en l'an, mais y'a ma gueule qu'elle a en les plages là. Et si j'aime ou souhait, faut pas ouvrir frigidea. En coin pèse caillou, m'en parler ouais au bout. Et sous désobéir, ou y'a ou qu'elle prend cours. Et les ou qu'à aller l'école, faut que coûter, mettre la parler. Parce que si jamais on pas coûter, fais sous qu'elle pimblé. Méchanceté ou bien imbécilité, manque à qui t'au jugé. Pas si c'est moi qui fais boc, et puis tête moins pété. Le grand ou pépé en fait, l'on c'est un homme femme qu'à prendre faire, mes frères, moi l'autre petit. Ouah, il faut tout qu'à prendre faire. Faut tout qu'à faire. Ils ont tout ça pour ça. Faut tout qu'à faire. Ils ont tout ça pour ça. Jean-Louis, Alex, Albert et puis c'est yo Michel. Yo tout grandi et puis moi et puis ensemble la vie t'es plus belle. En bas tout ça maman tu oublié. En cas frère moi pourtant les mains pâtés. Bien c'est en l'air m'en t'es qu'à prendre l'âge moins. M'en t'es qu'à bâcler parce que c'est l'équipe t'es plus petit. Et comment ça dit ça? Ouais pas m'en t'es mon couchi. La vie c'est comme ça. Ou peut pas changer ça. En cas t'es qu'à prendre coup mais en cas t'es ça. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et si t'es pas d'accord, mon vieux va jouer ailleurs. C'est comme ça, moi t'es carré son élève, moi t'es l'école. Comme ça, moi t'es carré des bats, ça qui t'es ni grand diol. Et comme moi t'es bien gros, moi pas t'es ni bobo. En plus, moi t'es costaud, ouais, moi t'es cabamounso. Moi pas t'es téméré, moi pas t'es cagou. Mais quand tout ça qui t'es plus fort qui moi, parce que yo tout t'es qu'elle femme comme moi. L'air fort ou pé qu'on fait, toute femme bien aime fait, mais frère moi l'en pitié. Ouais, il faut tout qu'on fait. Léo tout petit, faut tout qu'apprend fait. Quand tu es petit, fiche que tu prends du fer pour parler avec un créolisme. Spécial storytelling en rapesse et en comptait, différentes façons de raconter une histoire. Et on va enchaîner tout de suite avec Shaolin. Le morceau s'appelle Underground en moins. Parce qu'il y a aussi, on peut aussi raconter le hip-hop de façon originale. Et on va écouter deux petites histoires sur ce thème-là. La première, c'est Shaolin, Underground en moins. En fait le 11-04-1984 23 l'année après, mis moi debout si pas pour chier rap. Nous moi debout te veillons maille parce qu'un t'es là sur table à McDonald's. Debout te veillons sap, la veille des trois wak. Tout bitin pas toujours rose, mais c'était qu'un y'a toujours raide. Un malade qu'on gaffe en prose, baggy casque était tout rack. En cas songer la belle époque, qui j'en sapait bien les potes. Bois ma cague avec un diable, freestyle qui monte gaffe à beatbox. Sa gueule en bas tout en soirée, caga des pochettes à CD. Cadez les étoiles, ma dégâts son joue toi qui est rivé. Casson à pas pour mytho ça. Ouais, pour que là ça t'est trop bad. C'est écouter y'a un peu ou dingue et copier style la méthode man. Ha! Allez les mounens, dog won pas connaître ça. Mais on peut pas dire son MC, sous pas connaître ça. Pendant qu'il pas non, qu'on fait break, vous qu'on fait freestyle. C'est freestyle, c'est freestyle, c'est freestyle, c'est freestyle. Les nouveaux MC pas ni voix ni texte. Moi y'a déterminé à faire mon chien sur aussi internet. Bref, tout ça pour dire que c'est meilleur. Souvenir hip hop en lui, ayant pas pensé ça qui est changé. Yo, c'est grand corps pour un hip hop. À l'époque c'était Ayo Fournil de Jimmy. Moi de yo boîte carton. Scotché ça, elle veut bon break. Un os, qui genre mon frère. Ha! C'était chercher pour lui aussi. Elle veut un grand coca, chirer ça dans l'escalier. Et freestyle, beatbox c'est un pro. NEP, n'est grand pression. Si poule n'est pix, la top ou tank park. Hey, garçon. C'était l'époque à tag et graph. Les différents possibles, AM. Les coins, les fondations, Wayner, Warner, TPA, ADL, TSA, Groover, NAM, Xela, Dayton, Lapine, Bas. Chaque MC peut raconter son hip-hop. À l'instant, c'était Shaolin Underground en moins. J'aurais aussi pu vous passer un titre de l'album de Star G que je recommande, qui s'appelle Mettre l'école hip-hop créole. On a écouté à l'instant, enfin au tout début, Entends la ça. J'aurais pu vous faire écouter Positivité, on n'aura pas forcément le temps. Mais on était en Guadeloupe avec Shaolin, on va passer en Martinique avec l'homme nègre lyrical. Le morceau s'appelle True Story. Qui commence tout pitié, qui grandit pitié à pitié. Et puis ma dit l'énergie quoi d'assistir, son chef qui vient, n'est-ce qu'il faut comment j'ai, n'est-ce qu'il va faire la fête, 14 ans et demi, on t'est qu'à monter en l'âge, moi pas santé trop petit. Pour rentrer bitaco, les mercredi après-midi. Collège petit manois, c'est là en jouant monsieur Bougui. À l'époque où t'es Zoulou, on t'est qu'à porter baggy. Rap tes militants, mon côté qu'à jouer les caïds. La savonne, nous t'es qu'à danser en proxy. Public ennemi, Eric Vienne, là qui vit PMD. C'est là nous jouons cool 16, style et big gros. À l'époque, non, c'était RJ et puis Fritzy. Dans ta boule, moi c'était Bomber MC. Premier clash, moi c'était avec Salomon en samedi. Lycée technique, nous jouons des boucles, la ménage aussi. Dis qu'il t'es qu'à faire rap aussi. Des thématiques, pas copie. Bon, t'as aimé l'île, les week-ends, nous t'es qu'à faire bon pire. Comme des big tunes, réputation, coupe la grossie. Vous êtes des DCTI, New York City, sorti. Il rentre en courant, c'est lui qui fait clip, discipline. Discipline, t'es qu'à caser, t'es ni d'autres tunes aussi. Bon, l'équipe a qu'à faire la fête MC. Spécialement DJ Select, yo t'es dans la partie. En pays, à nous pédis, nous t'as toute scène qui t'es mis. Nous t'es qu'à descendre ensemble, pour mettre ça check en Mikey. Déjà dit MC, Janik, Metal Zone, Big Family. Après tes compiles, nous sortis en premier maxi. Nous t'es fiers, dis c'est nous-mêmes qui t'es rivé produit. Soirée au monde, nous clash Jackie, l'olier check lui. Accident, panique, t'en parler, et puis en IP. Premier job, moi en PSC, en studio, et puis. Premier album, ma créole, c'est solo, moi en 96. Enregistré, pas de force, New York en fait mastering. Ça influence, c'est bon, MC, quoi, nous fait matinée. Sous le palais, quoi, on y mande des rides là où faut clé. Y'a toujours qu'à foutre, et puis t'appeler, tu serais mix, j'en dis. Rappel, pas de force, t'es qu'à jouer, rappel, c'est Marie. T'es qu'à descendre, sa freestyle, on les parking, les taxis. Entends, t'es ni émission radio, moi les samedis. On t'es qu'à contrôle, mouvement, c'est moi, y'a t'es raï. Songez, soirée, hip hop, bon, cake, Zenakis. Mais en bas, t'es qu'à faire, y'a t'es qu'à dit, Pucci, Bani. 99, c'est l'album, coupe la sortie. On t'es ni les frais, son chaque monde, t'es parti en triple. Y'a t'es les rétrécissements, y'a dit ça plus pratique. L'équipe a qu'à faire la fête, pas t'es assez sympathique. Nous pas faire des classiques, mais ça reste en classique. Qu'à faire, y'a une fondation, rap créole, c'est quoi plastique. Je dis, on a dédicacé Dixta à Bahi. Il rêve, ouais, nous rêve, mais c'est trop tôt, il bâtit. On peut dire, on regrette pas, ni ton check ou Paris. On t'est fini, séparé, et puis, il a une période d'intérêt. On y des meilleurs souvenirs. Mais qu'on a chaque fois, on bâtit, on vit, on rivit. La belle fait moins courir, Paris, ça chaud pour Picti. Tellement bon, colonique, après indépendance. Nègre Lyrical, True Story, extrait de Bondamment Jacques, mixtape classique, l'art de raconter des histoires. Le hip-hop vu par Nègre Lyrical, mais si tu as connu le hip-hop en Martinique, tu t'es forcément reconnu dans une de ses phrases. Moi, par exemple, je fais une dédicace aux soirées qui se faisaient au Xenakis, à l'époque à Fort-de-France, mixé justement par Nègre Lyrical. On va changer de style. Là, c'était raconter son hip-hop. Maintenant, on va partir dans la fiction avec Traffic Jam. Le titre s'appelle Kidnappé par E.T. Red Zone 1. Moi plus en sous, sur le sommet profond, mon fond se plisse. Pourtant ce soir, seul le silence hurle toute la force que la nuit lui donne. Une luminosité phosphorescente pénètre ma chambre comme une apparition. Les spectres dans ma maison, les caisses d'eau. Peut-être que je pète les plombs ou la fatigue me donne des visions. La fenêtre s'ouvre brutalement et moi-même brutalement avance sans confiance avec autant de frayeur que mon cœur peut le supporter sciemment. Tête au vent, je la laisse lever vers le ciel. Pas le temps de regarder les étoiles. Ce que je vois me donne des ailes. Je veux fuir cette chose, éclate le verre pour m'en sortir. C'est le grand saut où je cours, mes pédales dans le vide, quelque chose m'attire. Un combat dans ma tête, vais-je souffrir ou réagir? Eh oui, c'est sûr, personne ne m'entend, voilà le pire. À une vitesse que je n'oserais décrire, je suis projeté verticalement sans connaître le pourquoi du comment. Traffic jam devient dément, bouillonne dans la red zone comme le pauvre homme dans le vieux rhum. Peut-être que je déraisonne, mais je me vois comme. Kidnappé par E.T., kidnappé par E.T., vais-je quitter ce monde et tout ce que j'y ai bâti? Kidnappé par E.T., kidnappé par E.T., ce nouvel univers est-il enfer ou paradis? Kidnappé par E.T., kidnappé par E.T., vais-je quitter ce monde et tout ce que j'y ai bâti? Kidnappé par E.T., kidnappé par E.T., ce nouvel univers est-il enfer ou paradis? Traffic Jam, kidnappé par E.T., Red Zone 1, Traffic Jam, qui s'appelle aujourd'hui Mash Traffic. Vous pouvez continuer à suivre son travail. Et on va rester un peu dans, non pas dans la nostalgie, mais dans un autre style d'histoire avec Malkema. Le titre s'appelle Babier. rêver. C'est fou qu'un bête drive en police. Des sur transat matin, on a trouvé les moyens pour entrer. Pas même mon vaisselle ou café, pas même mon balai ou capacité. Nous on s'en vient, on vient crier, on l'a outé. L'autre fois, non, déjà pas les bas. Autant fait qu'on s'y ou j'ai oublié, j'ai appuyé le loyer, téléphone, tout le monde avec l'électricité. Et tout le monde va encore arrêtez, fais-moi parler. Ou j'ai mangé vacciné, alors je suis chaud côté pour été. Voyez l'école, vous, c'est l'école bis ou tes cafés. Toutes notes à haute était 18, mais bulletin là, t'es toujours marqué 6 des moyennes. En plus, voisine, j'ai dit mon cabal à l'ichène, elle fait trouver. En plus, de voici, c'est yo, qui qui bat ou ouais, elle veut manger. Et puis, ou fait, on fait ou connaître, ok, j'en crains, arrête écrit. Pas les bons encore, ou je connais, ou joue écrit. Quel genre mépris. Ou t'es mettez bien ou pas t'es ici, ou t'es peut-être déjà fou grand plus loin qu'à finir tout d'avoir paru. Mais non, c'est rossou, pas j'écoute. Obligé mon palais, au content, yo l'aide, mon aide, elle parvient, mais là, je l'ai monté, il a monté, hein. Moi, c'est aller en galère, hein. T'es bien vivant, changer. En pour même pas les vatimes, là où, y'a ou clé. C'est jour d'un qui trouve pas là où, fermé à clé. En pour même pas les vatimes, là où, y'a ou clé. C'est jour d'un qui trouve pas là où, fermé à clé. En pour même pas les vatimes, là où, y'a ou clé. C'est jour d'un qui trouve pas là où, fermé à clé. En pour même pas les vatimes, là où, y'a ou clé. C'est jour d'un qui trouve pas là où, fermé à clé. Quel genre fier au cabillet. Vous c'est flap, vous même mettez pas même nos chemises, nos souliers, pantalons, ça ou y'a poids, nos maillets. Mais gars, tiens, t'es là. Si vous pas peiner, pas couper. Tu peux pas vous gonner, mais avant, pas servir, vous êtes à la nettoyer. Ouais, donc, musique, on musique, mais musique, pas remplir l'estomac. Tout le monde a l'argent pour chayot, mais vous-même, on va faire hack. On les a suivis, on l'a presque ça. Et pour fond, commission, moi, c'est un babé, vers jouer carré pour nous, mal. Arrangez, j'en cas comprendre, vous pas mener pour j'en ai plus fort en moins. Ou qui fait nos maudits, voilà, mais y'a pas en cas en moins. Vous qui me mettez plus en junior, permis. Mais non, vous, un éveil des mieux, qu'on chante avant d'avoir qu'à dormir. Mais qui on laisse des fois y'ont t'y mandava. Tu n'as jamais l'état qu'à voyer. Moi là c'est pas même qu'à faire des mois. Alors c'est soit débiter, c'est soit on t'a mettre au bien. C'est soit on va foutre un chemin pour vous vivre bien. En pour même pas les bâtiments là où j'ai à ou clé. C'est jour d'un qui trouve porte là où fermé à clé. En pour même pas les bâtiments là où j'ai à ou clé. C'est jour d'un qui trouve porte là où fermé à clé. En pour même pas les bâtiments là où j'ai à ou clé. C'est jour d'un qui trouve porte là où fermé à clé. En pour même pas les bâtiments là où j'ai à ou clé. C'est du local qui devait prendre là où fermé à clé. Avec en fait colonie, vacances, excursions, révèle incision. Rénonce confirmation avec première communion, un biopel. Vu on a mis ses bébés au soin, les lagardes, mon petit garçon, à l'arrière, au combo, la roue, ah, t'es au sein. T'es mal qu'à pas vivre à ton sel tout. Ce jour-là, conseil, là où conseil, qui j'ajoute bisin, pas en cours. Matras, un casse, là, son sel, l'eau, des cigarettes. À fond, grâce à pour mon petit bita, ça, il est déjà fait. Un petit peu de temps qui fait les vrais poumons, ok, malade. Un peu qui visite, on visite, médecin, on découvre, oui, ouais, ouais, camarade. C'est entré, sorti, entré, sorti, vous rentrez. Si c'est gardé télé, ouais, moi, je vais vous sortir. On peut même pas les battre, non, j'ai ou clé. Ce jour-là, on qui trouvait pas là où fait meilleur clé. On peut même pas les bâtiments là où j'ai ou clé. Ce jour-là, on qui trouvait pas là où fait meilleur clé. On peut même pas les bâtiments là où j'ai ou clé. Ce jour-là, on qui trouvait pas là où fait meilleur clé. On peut même pas les bâtiments là où j'ai ou clé. Ce jour-là, on qui trouvait pas là où fait meilleur clé. On peut même pas les bâtiments là où j'ai ou clé. Ce jour-là, on qui trouvait pas là où Malkema Babier, encore un classique, hein, puisqu'il y a beaucoup d'histoires classiques dans le hip-hop créole. Et encore une autre histoire, une autre vibe, une autre émotion. Fuck Lee, fucking Chad. Chigre déconnecté, en vomi en voiti la katou en tout honnêteté. Ah, police, 100% plus police. A pas même royalisé que c'est ma maman en chigre. Tellement à tout qu'on pas te fait chemin de bout. Tellement chigre que yo tout suive que y'a te shoot. En chan de moi, en vrai, Tony Braxton, t'es qu'à sous ses coca. Janet Jackson, on imagine Kador, la Batmobile. T'es Batman, t'es qu'à faire ma commère Robin. Sans combine en haut, t'es kiki en moi des wars. Et on est au sol là, qui boule qui piat quoi? Consigne, ça t'en t'est senti pas possession. Y'a des mères moi, on mettait moins qu'à battre. On t'en est un fucking chat. Tellement de chat, je suis pas un malade. Chat de one sensif, mais ma femme. Chat, qui a fait pour prendre ses mots qui me battent. Gardez le temps, moi tellement chat de la santé. Tout ça, on t'en est moi, qu'un qui brille comme ma femme. Moi que chat vive sans six là, si la ou pas. Chat, un sous-chat. Un chat. Assertive. sens là. Voilà pour moi et des bois cigarettes là. Pour moi, caisse là, pour moi, pas pour caisse là. Elle dit c'est en ça, mes belles bougas caisse là. Comme ta bon foutu un bordel, pas possible. Pour témoin là, c'était mission impossible. En 2 secondes et 3 minutes pour l'esquiver. Effectivement, grâce au GC, là, on tire. On va finir nos postes contre moi, ça, on va penser. Et puis derrière, il y en a fou des ça, on va penser. Riva dans le stade, quand pas ça, ça, on va raconter. On prend, on tenir un fucking chat. Tellement de chat, je suis comprendre le malade. Chat, le one sentence, et ma carte. Fuck Lee, le titre s'appelle Fucking Chad, que vous pouvez retrouver sur son collector qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, double album. Et je rappelle qu'on est dans la spéciale hip-hop créole consacrée au storytelling en rapès et en comptait. Depuis le début, on va récapituler, on a entendu Star G, Entend Lassa, Les Neg avec Sherry, Scud Squad avec Madinina Part 1, Dr. Jekyll avec Léo Toupiti, Shaolin, Underground en moins, Neg Lyrical avec True Story, Traffic Jam, Kidnappé par E.T., Malkema Babié, Fuck Lee, Fucking Chad. Et dans cette spéciale hip-hop créole consacrée au storytelling, on reçoit deux artistes qui s'appellent La Gâchette et Kool 16 également. On va introduire tout doucement Kool 16 avec le titre qu'il a, où il apparaît sur l'album de Lâché Chivé Création. Le morceau s'appelle Ça Riveo. C'est messieurs d'être ni mauvais mentalité. Côté yo pas t'cherche tout ça l'idée. En coup qu'on ça ni yon ni ban idée. La chèche yvé c'est la belle qualité. Ton boy te les tests y fait ça yipé. Et ton nous chanti yon ni paniqué. Bate qu'on est hip-hop matinique. Final dit compte, ça arrive. Quand on présente histoire, c'est un DBD qui décide de monter système des jeux tout pronostic. C'est qui ça paye qu'on a dans des clips parodies. Comment s'y rapper et paye l'équilibre qu'on est simonoski. A Bastion, en fait en ouais, ça rove ça en caddie. Et puis DJ Siro équipé dit en sono. La station en déjà minable, mais bon, continuer dit. C'est bagay inédit qu'on en a dans un porno chic. Le rythme c'était déficient, j'ai ça dans chromosome. Bah nous couler, Olivier, bah nous sommes monochrome. En fait, mettre fin à lamentable monologue, auto-tuné à mort, fait à ambiance monotone. Au souhait à Kenny, on lit son rap au programme. Platine DJ Simo qui est un phonographe. 150 kilos son boy qui est un hologramme. Un remli qui disparaît et qui fait monogramme. Ok, ou peut pas tromper, ou peut pas tromper. La déchimée en carré a fait sans boy stopper. Ça arrivait en tête, ça arrivait en pied. C'est moralité, histoire là, parce que ça arrivait. C'est messieurs d'être ni mauvais mentalité. Côté yo bâti chercher tout ça l'idée. En coup qu'on ça y ni yon ni ban idée. La chercher c'est la belle qualité. Ton boy te les tests y fait ça y pé. Et ton nous chanti yon ni paniqué. Qui bâti qu'on est hip hop matinique. Final du compte, ça arrivé. Ça arrivé. Ça arrivé. Ça arrivé. Bon moun, malè a pe rive. Tom ni defo ni feblès fort a tout moun. La justice pe rive. Ou la katounè lè y pati ou peke sa fè ayen. Yo ke di ou sa rive. On lè di problème, chèche bien, pa solution pa bien loin. Ou yo pa di ou sa rive. Il pou adjan en trip, d'après sa fey la te tip. Top it ni l'habitude, dis se bagay karive les autres. Qui pen la sirensi, le yu es arrive yon gran. Il te comprenne se te li, mais yo pon yon flagrant de li. Son qu'il pose, il te la kaka l'an si koy. Le madame l'an vin chèche, il mande y fè anti chauffe. Il pa fè ni yon ni de se bay bra pou nou ale. Depi se pou kole se le pan, il pêche chak toujou pare. Tout si l'an fini, koko fio lo kont en bagay li. Oblige dodo de la sa, il te pon yon manye sportif. Mais pendant tant ta affom, li te joue les paparazzi. Divorce pension anti, koko fio lo man kwe sa. C'est messieurs d'être ni mauvais mentalité. Côté yo bâti chercher tout ça l'idée. En coup qu'on ça y ni yon ni ban idée. La chercher c'est la belle qualité. Ton boy te les tests y fait ça y pé. Et ton nous chanti yon ni paniqué. Qui bâti qu'on est hip hop matinique. Final du compte, ça arrivé. Ça arrivé. Ça arrivé. Ça arrivé. Pour suivre Kona, yo ke tout prodeye a dans le canal. Ti poule, si ou suivre Kona, ou ke wè que ça ke rive ou en fal. Ou t'es là, c'est story yon, qui te comprend. Pe ni on ne tire à jalouse moun, imite moun, pas ka ou trop mien dedans. ou pas ça va jeter la panique gagnant c'est rien qui prend au dos. Ça qui pas bon pour soi, pas bon pour le connard. Là y'a tout ce qui peut pour ça se sauter caca ou bien quoi. En tout cas, il mettait quoi, il ca flex contre eux. Ou c'est de l'esprit fait en peu. Mettez en tête les sacs qui pas taille fort qui prend. T'as joué les méchants mais t'as resté la taille maman. Les fans nous ouais chiffres là, nous ça c'est pas la joie. Ou les couillonnés au monde qui sont tes cargos. En bonne mafia était doué, décidé en dimanche après-midi. Yo qui m'a été tout nu. Yo attendu pas botter le basket là. Devinez ça y'a pas en premier. Basket là. Yo prend tout ça qui en l'air et puis yo quitte y aller. Et puis dès qu'alors t'as emporté. Police. Pour pour un exhibitionniste, le fouté un coup de tasse et tombe droit contre tout vis. Tipoule, ou te le suivre, connard. Le tout fouté, y'a dans le gros canard. Tipoule, tipoule, si ou suivre, connard. Ou que ouais, que ça qui arrive, ou en falle. Ça arrive, ça arrive. En rappel, c'est en comptait. Parce qu'il y a mille façons de faire passer un message. Parce que le rappeur n'est pas qu'une assistante sociale ou un grand frère. Parce que le rap est un art oral dans la grande tradition des conteurs, de ceux qui savent faire porter leur voix, projeter des images, provoquer des émotions par les mots, du rire, de la compassion, de la colère, de la sérénité. Parce que plus que relater des faits, dénoncer de façon objective et plate des problèmes sociaux, le rappeur, comme le conteur, raconte la vie, dans son quotidien, ces choses qu'on ne voit plus, sort de la banalité des morceaux de vie et fige l'instant. Parce qu'un morceau est une histoire et le rappeur un conteur. Spécial storytelling dans la spéciale hip-hop créole, Con Lambi, tous les dimanches de 16h à 17h pendant ce mois de juin. C'est la deuxième émission, troisième saison, et nous recevons aujourd'hui Cool 16 et La Gâchette. Messieurs, bonjour. Belle bonjour. Donc voilà pourquoi ce thème storytelling, le rapport au conte, parce que on va présenter vos deux projets respectifs qui ont un lien direct avec l'art de raconter des histoires. On a introduit tout ça avec une belle sélection hip-hop créole, pas mal de classiques tournés autour de cela, l'art de raconter une histoire. Cool 16, je crois que tu reviens bientôt avec la saison 2 de La Caille Tonton, ton nouveau projet. Ouais, donc en fait, j'arrive avec l'album qui s'appelle en fait Projet Tonton Opération Red Fire. Donc tu vois, La Caille Tonton, c'était un épisode, c'était une phase. OK. Donc là on va arriver avec un vrai album avec des vrais compos. Donc le titre, je rappelle hein, c'est pas La Caille Tonton saison 2, c'est Opération Red Fire Projet Tonton. Et donc là on est presque sur la fin. Tu vois, il reste quelques morceaux à masteriser, deux, trois mois, soit finalisé, et puis on y est, quoi. D'accord, et de l'autre côté, nous avons La Gâchette, qu'on a découvert avec le projet 6 rue des porteurs de gamme, qu'on a découvert en solo, avec le projet 6 rue des porteurs de gamme, que vous pouvez toujours télécharger sur le net gratuitement, donc n'hésitez pas à découvrir. Et on va présenter aujourd'hui un projet qui s'appelle Flexence, un projet très original dont tu pourras nous parler dans quelques instants, mais... Okay. Rebonjour, La Gâchette. Bonjour. Bah, Flexence, c'est un show hip-hop basé sur les percussions vocales. Et en fait, l'idée, c'est d'emmener en fait ce show chez les particuliers ou dans les festivals. Avant de sortir un CD, moi, je préfère, on va dire, jouer les morceaux sur scène et près des gens. Après, c'est, effectivement, il y aura sûrement un projet qui va sortir en physique. Mais avant, l'idée, c'est de tester des morceaux. C'est de partager des vibes, de raconter des histoires, puisque c'est vrai que dans Flexence, il y a cette partie-là, notamment avec des morceaux comme Billets Multiples, des morceaux aussi comme L'Appli. On a ce côté conteur qui revient, quoi. Voilà. Spécial storytelling, donc on va démarrer, bizarrement, on va démarrer directement par la morale de l'histoire. Alors, messieurs, pourquoi ce choix de raconter des histoires dans votre musique ? Bah en fait, c'est si tu veux, c'est pour moi personnellement, hein, tu vois, c'est un hommage à une phase dans le hip-hop, à une époque dans le hip-hop en fait qui m'a marqué, tu vois, avec des artistes comme Slick Rick, tu vois, des gars comme ça, tu vois, qui se contentaient pas de débiter des rimes et des phases techniques, tu vois, c'était des histoires vraiment qu'ils racontaient, tu vois, et je me suis dit, tu vois, pour traiter des sujets qui peuvent paraître bateaux, tu vois, de la vie de tous les jours, ben, c'est peut-être plus ludique de faire passer certains messages qui passeraient peut-être moins bien, tu vois, avec un côté un peu martial, pas martial, mais solennel, ou tu vois, un peu rigide, ben, si tu le tournes avec une histoire, ben, le message il passe beaucoup mieux, tu vois. Il marque beaucoup plus aussi, tu vois. Et finalement, ça te donne un espace beaucoup plus large pour pouvoir t'exprimer. Parce que le fait de raconter une histoire, tu vois, ça te permet d'aborder différents sujets assez facilement, quoi. C'est d'accord aussi, c'est notre patte en fait, c'est aussi la... Alors, souvent on se retrouve dans des studios à écrire sur des grands thèmes, et après c'est vrai que chacun arrive avec une façon de formuler ses phrases, certaines manières un peu didactiques, d'autres effectivement avec des histoires, et moi j'ai plus l'impression en fait que c'est venu à moi. Plutôt que d'aller le chercher, ça a commencé en fait en 2005 quand je suis parti à Dakar. Là j'ai commencé à écrire dans un style un peu plus littéraire, et à partir de une fois que j'ai posé les pieds à Dakar, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu comme un déclic, et c'est un peu de là qui est sorti un projet littéraire que j'ai sorti qui s'appelle Les Capitaines. Et dans la foulée, Siri des porteurs de gamme, où il y avait aussi ce côté storytelling, notamment avec Mool City, où par exemple dans le morceau, je parlais de l'histoire d'un craqué avec son dealer, notamment dans le deuxième couplet. Et puis même Boca Street, qui est l'histoire entre en fait une rencontre entre deux amis, à savoir Anno et moi. On se rencontre dans le car, on est là, on check des vibes, finalement on décide d'aller faire un foot, et d'aller freestyler, et ça c'est des choses de la vie en fait, hein. Je pense qu'on a tous eu un oncle un peu blagueur qui est là, qui raconte des histoires à table avec la bouteille d'alcool et qui balance des histoires en fait avec plein de rebondissements. Ça peut se faire de manière très simple, après c'est vrai qu'on connaît aussi tous les conteurs de manière beaucoup plus traditionnelle avec le fameux yécri, tu vois. Mais là il s'agit de tout ça en fait, d'un mélange de tout, quoi, et de voilà. Ok messieurs, mais comme on l'a un peu sous-entendu à travers notre sélection, le rap créole a selon moi ce petit quelque chose en plus, c'est d'être héritier de cette tradition du conte et des conteurs créoles. Je voulais vous demander, on a bien compris que c'est en fait ça vous est venu plus ou moins naturellement de faire votre rap en racontant des histoires et plus qu'un choix véritable. Quelle est l'influence chez vous, vous pouvez parler comme bon vous semble, des conteurs créoles? L'influence, le rôle. Alors je dis des conteurs créoles, mais voilà, il y a aussi des artistes créoles qui, dans leur chant, etc., ont cette empreinte. Ouais, pas uniquement dans leur chant, tu vois. C'est que moi, dans mon cas, par exemple, c'est venu de pas mal de trucs, tu vois. C'est venu déjà de la mixtape que j'ai fait, tu vois, qui m'a permis de donner naissance à un personnage, tu vois. C'est-à-dire que Tonton, c'était un personnage que j'étais obligé, si tu veux, d'inscrire dans des histoires, c'est pour qu'il ait vraiment une existence et pour qu'il ait un sens aussi, tu vois. Après, toutes les influences, ça peut venir de pas mal de choses. C'est venu des lectures, par exemple, tu vois. C'est parmi les auteurs que j'aime beaucoup, t'as Patrick Chamoiseau, t'as Raphaël Confiant. Tu vois, c'est des écrivains qui ont un style vraiment narratif, tu vois, où ils font intervenir beaucoup de personnages dans des histoires qui sont annexes à l'histoire même du livre, tu vois. Et tout ça, ça m'a poussé à donner naissance finalement au personnage Tonton, tu vois, lui donner vraiment un sens. C'est-à-dire que l'inscription des histoires, lui donner un côté cinématographique, permet, comme je disais, de faire passer des messages. Par exemple, dans l'album, on va trouver un morceau avec Negleri qui s'appelle Tifremin, tu vois, où je raconte l'histoire de mon petit frère fictif, tu vois, qu'en fait et notre petit frère à tous, tu vois, dans l'époque dans laquelle on vit, tu vois, où ils sont confrontés à pas mal de tentations, à pas mal de négativité, et qu'aujourd'hui donner la position du grand frère qui voit ça et comment lui il peut intervenir ou quel impact ça peut avoir sur lui aussi, tu vois. C'est de ça dont je traite dans le morceau, tu vois, les petits frères qui sont attirés par la violence, par les armes, par l'alcool, par pas mal de trucs négatifs, et nous les plus grands, ben, quelle responsabilité on a eu par rapport à ça, tu vois. Ben, ça, ce que tu dis là, ça me rappelle en fait un livre de Ernest Pépin. Bon, et pas inquiéter les autres, putain, la pacaille tournait en mode intellectuel. Ouais, chacun voit des mounes, quelqu'un qui a flippé. C'est juste un petit référence qu'un cas basé. Peut-être que ça connaît le livre. Non, mais je le dis, tu vois. En fait, le livre s'appelle Toxic Island et c'est un livre de Ernest Pépin. Et ce dont tu parles. En fait, il en parle aussi dans ce livre-là. Et c'est vrai qu'au niveau des influences, moi, c'est un écrivain qui m'a beaucoup marqué. Donc là, effectivement, un Guadeloupéen. Mais je pense aussi à Philippe Cantignol, avec qui j'ai pu travailler sur un album qui s'appelle On dote l'esprit. C'est en fait l'album de Caspirit, qui est un groupe de gros cas évolutifs. Et ce conteur donc, qui s'appelle Philippe Cantignol, à qui j'envoie une belle dédicace. Il avait fait un morceau sur la jeunesse française que je vous invite à écouter. Malheureusement, on pourra pas l'écouter là maintenant. Mais voilà, le morceau de Philippe Cantignol sur l'album On dote l'esprit de Caspirit. Après, au niveau des influences, il y a effectivement les conteurs avec le, comme je disais tout à l'heure, le fameux gimmick, tu vois, l'appel-réponse, tu vois, qui je pense a marqué tout le monde. Moi j'ai vécu en France, en fait je suis né en France et j'ai aussi vécu en Guadeloupe, et même avant d'avoir habité en Guadeloupe pendant une bonne dizaine d'années, je connaissais déjà toute cette matière en fait, tout ce patrimoine, notamment avec le fameux monsieur Médouze qui a marqué tout le monde. Moi c'est un personnage qui m'a fracassé, quoi, mais vraiment, parce que ne serait-ce que sur son regard, sur la façon dont il raconte les histoires, sur c'est une gueule aussi, quoi. On parle de la rue Cazeneigle, hein, effectivement, Zane Pelsi. Donc tout ça c'est pour sûr rester que dans c'est... l'intellectuel. Donc tout ça, ça m'a j'ai sorti mes lunettes aussi, d'ailleurs je tiens à le dire, je n'ai pas de lentilles aujourd'hui, j'ai mes lunettes. Et en fait, ça marque, quoi. Et puis même de manière plus large, l'Afrique aussi, bien sûr. Enfin, faut en parler. Oui, aussi, c'est un héritage. Tous les griots aussi. Je regardais un documentaire sur Toumani Diabaté aussi. Sur Toumani Diabaté, qui est un joueur de kora, mais qui est griot aussi, et qui donc toute sa famille, lui, de vraiment de père en fils, est griot. C'est une mission, quoi, de transmettre un certain savoir, une certaine esthétique musicale ou même les histoires tout simplement de la culture mandingue. Et je pense que nous on est aussi on est un peu lié à ça, quoi, sans vouloir spécialement être dans quelque chose de didactique, mais il y a des liens, voilà. Non, comme tu as dit, on fait référence au conteur créole, mais bien sûr le conte créole prend sa filiation en Afrique. On a parlé d'auteurs, d'écrivains, de réalisateurs, mais également, ben, comme tu disais, de l'oncle le dimanche à table qui va raconter la blague. Ça peut être quelque chose de très simple. Donc voilà, c'est aussi, il y a aussi un art de prendre la blague, de raconter des blagues. Mais c'est toujours mis en fouet. L'humour, etc. Donc pour parler des, ça fait ça, ouais. Voilà, et toutes les émotions. En fait, une histoire, c'est pas simplement faire la morale, où il y a différentes façons de raconter une histoire. Je voulais vous demander, pour vous connaître tous les deux sur scène. En tant qu'artiste, bon, vous êtes deux MC qui vivent vraiment leurs textes, qui mettent le rôle de la théâtralité, bah, sur la scène est très important pour vous. Et bon, je voulais avoir votre avis là-dessus sur l'art de faire vivre votre texte, votre musique, et puis un parallèle aussi avec une grande partie du rap en France qui se contente souvent de répéter, de débiter de façon monocorde les textes. Et voilà, je trouve que ce que vous faites tranche pas mal avec ça. Est-ce que vous en êtes conscient et quel est votre avis là-dessus ? Ben, c'est comme, tu vois, on parlait des influences, tu vois, tout à l'heure. Influence main, l'école main, tu vois, c'est Nek qui va faire la fête. Tu vois, c'est le rap créole déjà depuis la base. Après, d'autres influences, tu vois, il y a des gars comme ODB. Pourquoi ODB ? Parce que, par exemple, ODB, j'ai toujours trouvé que c'était un rappeur qui était particulièrement expressif. Tu vois, Busta Rhymes aussi, mais beaucoup plus technique. Au début, il avait vraiment, je trouvais, une expression vraiment vivante qui faisait vivre les lyrics. Tu comprends ça que je veux dire? J'ai senti ça d'ailleurs dans ton couplet. Sous la chichivée, ouais, oui, ouais, non, mais ouais. C'est vite. Honnêtement, le mec a rappé, soldat, mais le mec a l'as fait. au Majami, c'est vrai. C'est vraiment bon, mais c'est un mot qui influence mon lot. Mm-hmm. Bon, c'est pas lui seulement, tu vois. Pour pas prendre des gars comme Eli Pénon, tu vois. Eli Pénon, c'est un conte en martiniquais. Quand tu écoutes ce frère-là raconter une histoire, raconter un conte, frère, c'est pas Michel Leb qui sont un sketch, tu vois. Pourtant, tu oui, frère, parce que chaque phrase, tu vois, chaque petite histoire que le gars raconte dans l'histoire, frère, quoi, mori, ouais. Et il y a le ton, la vitesse de débit, tu vois, l'expression du visage, l'expression du corps, tu vois, les attitudes, les mains, les tout ben là, faut qu'ils vivent, tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier, faut pas qu'on oublie quelque chose, c'est que nous sommes des artistes qui sont vus par d'autres personnes. On n'est pas juste dans notre douche ou bien dans notre cabine de studio à rapper devant un micro. Il ne faut pas oublier qu'après, tous ces trucs-là doivent vivre en live, tu vois. Il faut que le public... Il n'a pas l'impression que tu viens, tu récites ta leçon comme un bon élève qui l'a appris. Et puis à l'école, il va avoir dit ça. Après, c'est bon, il a la bonne note, il a réussi. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que la personne en face de nous, elle comprenne vraiment pourquoi on a pris le temps d'écrire ce texte-là, qu'est-ce qu'on a voulu exprimer, qu'est-ce qu'on veut leur dire en fait, qu'est-ce qu'on veut leur faire ressentir. La musique, c'est du ressenti. Exact. Ben, on renonce un peu d'un personnage aussi, en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment. Je sais que beaucoup d'artistes, quand ils font ce genre d'exercice ou quand ils balancent leur texte, ils sont comme animés, en fait, comme possédés dans le bon sens du terme. Voilà. Et je trouve ça... Non, ouais, quand tu parlais des autres rappeurs. Oui, après, bon, c'est la France. Après, je pense que chacun voit comme il peut faire, comme il sait faire. C'est vrai que Kool 16 et moi, nous, on est plus entre guillemets dans ce créneau-là. Ces gens-là nous y est, en fait. Ouais. Enfin, voilà. On n'a pas tous les mêmes influences. Et chaque artiste, tu vois, il a eu son histoire et il a vu et vécu des choses, tu vois. Et après, il les exprime comme il peut, comme il veut, tu vois. Moi, j'ai choisi d'incarner un personnage qui s'appelle Tonton, qui a un certain discours, qui a une certaine attitude. Et tout ça là, c'est juste un personnage, c'est pas moi, ouais. Samy, c'est qu'a fait, c'est pas ça m'a fait, mais lui, il a des choses à dire, donc voilà, je lui permets de s'exprimer. C'est ça véritablement, tu vois. Et donc, ben, depuis tout à l'heure, on parle de créer des personnages, notamment à travers ton personnage Tonton, qu'on pourra découvrir encore plus sur ton album à venir. Je voulais avoir votre avis sur l'équilibre entre fiction et réalité, puisqu'on parle de personnages inventés. Et on dit aussi beaucoup que le rap, c'est parler de ce qu'on est, de ce qu'on vit, qu'être authentique, c'est parler de la vraie réalité. Je voulais savoir votre point de vue là-dessus, dans quelle mesure la fiction peut servir la réalité, ouais. Inversement. Un rappeur, c'est un funambule, tu vois. C'est-à-dire que moi, je considère quand tu écris des lyrics, quand tu rappes, tu es sur un fil et tu es à moitié dans la fiction, à moitié dans la réalité. Mm-hmm. Maintenant, si tu veux que ton message soit servir à quelque chose qui soit utile, le mieux c'est de dire des choses qui sont vraies, tu vois. Après, tu peux t'appuyer donc sous tes propres expériences, et là, à ce moment-là, tu pourras pas mentir, parce que la vérité va éclater de toute façon. Et après, tu peux t'inspirer d'histoires des autres aussi, tu vois, créer des personnages, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le but, c'est toujours d'être honnête, tu vois. Et je pense que les gens savent, hein, c'est mon laka démystifié, ils savent qu'à qui, c'est mon laka qui a menti, c'est mon laka qui a bon en vérité, qui a bon en réalité. Et puis pour prendre un exemple, ben c'est vrai qu'on est dans quelque chose de très c'est à nous, voilà, de trouver ce fameux équilibre. Quand on fait un morceau, enfin, moi je sais que des fois le premier couplet peut être un récit, l'autre peut être quelque chose de différent, peut être juste en fait une colère, tu vas vraiment exprimer de manière brute, ou une joie, enfin bref, peu importe. Mais enfin voilà, quoi, de manière générale, c'est... Bah écoutez, très très intéressant tout ça. Je rappelle qui sont nos invités, c'est La Gachette, L-A-G-A-C-H-E-T, si vous voulez retrouver sur le net, sur Facebook notamment, n'hésitez pas à le rajouter, à vous informer, très très actif. Le projet s'appelle Flexence. Je rappelle que nous avons également Kool 16, K2OL, plus loin SAZE. Oui. Renseignez-vous aussi, allez voir les vidéos, les clips, allez les voir sur scène, c'est très intéressant. L'émission n'est pas encore finie, mais comme on arrive bientôt vers la fin, on va présenter maintenant, on a beaucoup parlé, on a parlé Ernest Pépin, Eusanne Palsy, Élie Bénon, etc. Nec qui pas qu'a fait la fête. Voilà, beaucoup, oui, beaucoup de références culturelles. Yeah. Maintenant, on va entendre un peu ce que ça donne. Vous êtes dans la spéciale hip-hop créole tous les dimanches de 16h à 17h dans Conlambi sur Radio FPP. Et Pascal, si on est paré, on va démarrer avec un titre de Kool Cez. Quel est le nom de ce morceau, Monsieur Cez? Le morceau s'appelle Tifouemain. Tifouemain, donc c'est un morceau extrait du projet Toton Opération Red Fire. Très bientôt. Très bientôt dans les bacs. Veillez, veillez. Alors ça, c'est en featuring avec Mood General Néglérical. D'ailleurs, c'est une production encore de la famille, puisque Nascuela, c'est une production de Monsieur Boogie Fla à des nègres qui n'ont pas fait la fête. Et listen. Écoute. Pour tous les petits qui sont embêtants, merdants. Ti fwa bwe achete yon bombi, rev lise yon desert eagle. An sel kousa sa karache yon zepol. Li bane ase fos pou kaka. De ti bwe yon tropiti pa sa fe moun an plakaj. Me gen yon fwaka. Pasi wwa sa yon klip, se zon portabli. Ple pi foto, madame son slip, se pa sa ke pli grav. An dekoube misye ka fume shit me. Ou man se fwa mwen je, an ray chebe yon ifon. Misye di men kon sa kwa yon kole men. An pe a yon pase bale tou kon la pot bwa kay men. Yeah. Tu sais quoi? Pour l'autre, non, il va falloir que tu passes, papa. Parce que l'album, il est pas encore sorti. Quand il va sortir, tu vas l'acheter. Tu vas le télécharger légalement. Et puis tu pourras écouter le son en entier. En attendant, Selecta, donne-moi l'inscrit parce que je vais le faire ça en live, t'as vu? Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Chose s'appelle Valstelio. Yeah. Vas-y, donne-moi celui qui roule, donne-moi celui qui roule, c'est pas grave. Ok, donne-moi du volume dans le casque, s'il te plaît, pour que je puisse poser ça bien, s'il te plaît. Tewen. Oh. Ti fwè mwen achete yon pompi, rev lise yon desert eagle. An sel kousa sa ka rache yon zepol, y pa mèm ni ase fos pou kaka. De ti boy tro piti, pa sa fè moun an plakaj, men ke di ou fwaka. Pasi wè sa dan klip, se zon portable, ple pi foto madame sans slip, men pa sa ke pli grap. An dekouvè misye ka fime shit mwen, an ke di... Reviens. Donne-moi ça encore une fois, parce que... Je te dis, tu sais quoi, les petits frères maintenant, ils sont vraiment supportables. La chose s'appelle Tifouemain, qui sort quoi faire, puis en gun. La chose s'appelle Tifouemain, qui sort quoi foutre, puis en gun. Tifouemain, qui sort quoi faire, puis en gun. Faut qu'on dise, moi. Hey, check li. Ouais. Si fwè mwen achete yon pompi, rev lise yon desert eagle. An sel kousa sa ka rache yon zepol, e pa mèm ni ase fos pou kaka. De ti boy tro piti, pa sa fè moun an plakaj, men ke di ou fwaka. Pase wè sa dan klip, se zan portabli, plen epi foto madame sa slip, se pa sa ke pli grav. An dekouvè misye ka fime shit mwen, kouman se fè mwen che, nan ray chebe jou yfon. Misye di men kousa ka yi parle mwen, an pe ay pase bale douvan la pot bok ay mwen. An ka bazot la versyon poli, I peke jamen ni bak li, me zasi bi bon kontrol polis. Ti fwe men le y pa 6 ED1, Xbox 360 e a 6 asou an te max. Yo flashe a 160, san permi, san kas, san foute, se men ki peye la kas. Ti fwe men achete an brand new pair an max, an pa sa vle, y poche chifla, me de poche li ple li a sa touka. I le foute moun bokam, an pa sa vle. Ti fwe men ki sa ou ka fwe epi yon gun. Yo si epi magnum epi dot kalite gun. Pete ya sou ti mamay, pete ya sou gran moun. Ou ka pon sa pou anje, ou ka trouve sa fun. Ti fwe men ki sa ou ka fwe epi yon gun. Yo si epi magnum epi dot kalite gun. Nou zantere ase soldat gun, zafè ase dram. Le sire a fok depose les armes. Ti frè mwen pa ka bwè Coca-Cola, e ka bwè Guinness, e ka jwè moun, e ni mouvè mes, ti frè mwen sire, yo za foute y dero an soare, y pete y amboute y asyon ki te le kare. Ti frè mwen koupon ni bad pase person, y eme artist ka pale de gon, y fini pa achete yon a laj li, an te eme film Charles Bronson, ti frè mwen eme kartel, me pa sal pou le gun song. Ti frè mwen son frè pi yon gun, yo ziye pi magnome pi dot kalite gun, pete y asoute mamay, pete y asou gran moun, ou ka pren sa pou anje, ou ka trouve sa fon. Ti fwè mè ki son kafe pi yon gun, yo si e pi magnum e pi dot kalite gun. Nou sa tire ase soldat gun, zan fè ase dram, le sire a fok depose le zom. L'homme s'appelle Cool 16, yeah. Puis Will. Le projet de Tonton arrive très bientôt. Yeah man, opération Red Fire. Et on va enchaîner tout de suite yeah. avec La Gâchette pour son projet Flexence. Yeah, yeah. Et bien, si tu peux balancer le son, on va changer de style, mais toujours rester dans, ce, dans l'esprit storytelling. En yeah, rappel, yeah. c'est au côté. Écoutez, il a gâchette. Hey, check it. On va prendre l'avion maintenant et on va bouger sur, sur l'Amérique du Sud. Yeah, check. Come on. Come on, yeah. Come on. Come on, come on. Come on, yeah. Come on. Come on, check it. Yeah, check. Lunettes, visière, short et basket. Ça y est, c'est bon, ça y est, j'ai toutes mes affaires. Hands, est-ce que tes books sont prêts pour Buenos Aires? J'ai boucle les bouts, tabou mes beats, mes bruits de bouche sans paresse. Pour que l'on puisse claquer des rimes sur du boom bap, taper des rimes tout black une fois posé là-bas. Cool, calme, je me pose, chill, rap, mange, je m'explose. Yeah! Téléphone pause, internet pause, 35 heures pause, mauvaise vibe pause, j'ai psychédélisé ma bonne humeur avec des gélules dans les arbres, des pilules sous forme de fruits qu'on appelle mangue jaune, et me voilà un bouc à part sur les brocules, piqûre de moustique immunisé par porc lui pendant que je piquerai des fesses pantons. Si... Yeah, check, yeah, come on, come on, yeah, je parle comme si j'y étais déjà. En fait, je ne suis qu'à part baisse, lundi je lâche mon taf sans prévenir et je pars pour le bris, si je ne pars qu'une bris. Si j'ai pas pour précise, si c'est yeah, come on, check it, voilà quoi. Yeah, yeah, come on. Le projet s'appelle Flexence. Yeah, come on, yeah. Il s'agit de s'amuser, check. Yeah, yeah, bah, bah, bah, bah, bah, come on. Bah, bah, bah, bah, bah, come on. Cool 16, assoupien, yeah. Come on, bah, bah, bah, bah, bah, yeah. Come on. Check it, yeah, yeah. Check lui. Après ce petit passage en Amérique du Sud, on va partir en Afrique de l'Ouest. C'est un hommage que je fais, yeah. Dans le mot dénigré, y'a nègre. Lorsque l'on mène un faux écrivain, on appelle aussi ça nègre. Lorsqu'on a pas le moral, on dit qu'on se fait des idées noires. Le business illégal, on appelle ça marché noir pour dire souffre douleur. Tête de turc ou bête noire, le synonyme du mot sorcellerie, magie noire. Tout est négatif, du trou noir à la colère noire. Même si tu ne l'es pas, imagine ce que ressent l'homme noir. On dit qu'une chose est noire pour dire qu'elle est crasse ou sale. Être dans le noir, perdu dans l'obscurité totale. Parler petit nègre, parler comme un attard, des mentales et bosser comme un nègre, être aussi chargé qu'un animal. Broyer du noir, voir tout en noir, être pessimiste, une série noire, une succession de nouvelles tristes. Travail au noir, caisse noire, messe noire, longue est la liste. J'hallucine quand j'analyse les expressions qu'on utilise. Yo, piégé, piégé. La langue est une mer qui s'ouvre, divin qui houle, donc c'est sert à nous. Piégé, piégé. Il avait beau s'appeler le Titanic, la mer a bien fini par l'avaler. Il était piégé, piégé. Suis-je le reflet du mot noir qui les finissent dans leur lexique? Piégé, piégé, piégé. Ou c'est lui de Saint-Gor, juste un homme des faiblesses et des forces. Un petit hommage à Nègre Lyrical que je viens de faire. Le morceau s'appelle La langue est piégée. Yeah, yeah. C'était La Gâchette. Comment pour le projet Flexence. Importez ce concert dans votre salon. N'hésitez pas à le contacter, La Gâchette. L'album également de Cool 16 arrive très bientôt. C'était spécial Hip Hop Créole dans Conan Ambi. On se retrouve la semaine prochaine encore avec de nouveaux invités dimanche de 16h à 17h. Yeah. Yabile, non sabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile, yabile,